On va tout de suite enchaîner avec une interview de l'enceinte du jour. Est-ce qu'Antoine, tu veux nous présenter cette contribution? J'ai juste envie de rajouter quelque chose. J'ai envie d'adresser ce message à toutes les mamans. Et ce message est le suivant. Chère maman, tout va bien. Et l'enceinte du jour, elle va nous être présentée dans le document suivant. Donc, je ne vais pas en dire grand-chose, si ce n'est que j'ai passé un moment hyper agréable avec Thierry Simoneau pour parler matos. À toutes. Mais dis-moi, Thierry, quelle est cette enceinte? Eh bien, c'est une ACR, c'est pas Monitor 3, mais c'est un peu la même chose, je crois. C'est une grosse enceinte de Sono des années 80, fabriquée par ACR à l'époque où ils fabriquaient encore des haut-parleurs. Et c'est une enceinte à trois voix passive avec un tweeter, une chambre de compression pour les médiums, tweeter pour les aigus, et puis un 12 pouces ou un 15 pouces pour le grave. Et on voit qu'elle a bien tourné, cette bestiole. Elle doit avoir pas loin de 40 ans. Et tu as laissé entendre qu'elle avait un surnom. Oui, grand-papa. Et pourquoi? Ben, parce qu'elle sonne un petit peu old school. C'est pas très clinquant comparé au parleur de Sono qu'on a maintenant, au 21e siècle. Mais c'est quand même une grosse enceinte que j'aime bien, qui a du coffre, peut-être pas beaucoup de mordants, mais c'est bien aussi d'avoir des trucs qui ont du coffre et pas beaucoup de mordants. Et quelle est sa place dans le dispositif de l'acousmonium? Eh bien, sa place, c'est un des plans de lointain sur le plateau, et elles sont accompagnées d'un sub également. Donc il y a ces deux grosses bêtes, plus un truc qui fait de l'extrême grave. Est-ce que tu pourrais nous la faire écouter? Ah, mais il n'en est pas question. Mais non, c'est une blague. Ah, mais quel coffre! C'est bouleversant. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Avec joie. Merci Antoine pour cette interview de qualité. On vous retrouvera demain pour découvrir une autre enceinte qui compose donc le panel de 80 haut-parleurs, il me semble, de l'acousmonium du Salon d'écoute du Festival Archipel. De l'acousmonium de la MEG. Oui, de la MEG, pardon. C'est vrai qu'on oublie de le préciser, c'est l'acousmonium de la MEG. Et voilà. Alors, tout de suite, bonjour Marie. Bonjour Marie.